J'aimerais bien prendre la guitare. Oh JP, quand tu veux. Tu vas délirer. J'aimerais bien être à côté, profiter. On va faire avec ça. Ça a changé, mais c'est pas grave. C'est bien, c'est bien. De JP. Attendez, hein. Avec Reaper, j'ai un petit peu de soucis pour caler les synthés à force de l'attente. On s'en fout, on est là pour s'amuser. De pan, ça ? Ah ouais, c'est là. Est-ce que tu sais faire là? Thank you. Thank you. c'est clair. La mélodie, ça faisait... C'est l'heure. Je vais aller regarder sur internet. Bon, moi j'arrête. Jean-Patrick ou Jean-Paul. Je sais pas ce que c'est Jean-Pierre, Jean-Patrick, Jean-Paul. Jean-Pierre. En général, c'est Jean-Pierre. Non, en général, quand on... JP, c'est souvent Jean-Pierre.